On était trois sur une mobylette volée dans un sens interdit. Ils nous ont attrapés, massacrés, ils veulent nous saccager. Salut.